doute, j'avance pas à pas. Je ne veux plus d'elle, c'est un rituel qui reviendra. Elle m'a fait du mal et ça c'est pas normal. Oh, à ce point-là, pourquoi vouloir tuer un animal blessé alors qu'il est aux abois? Je suis comme l'eau qui coule des montagnes. Je viens de loin et je suis froid. Je n'ai plus de sang qui coule dans mes veines. Je n'ai plus d'émotion. J'ai trop vu de haine sortir de tes yeux et rentrer dans ma tête. À force de vouloir arranger les choses, je les ai détruites. À force de vouloir arranger les choses, je me suis détruit. Je suis comme le vent qui vient du large. Pour moi, il n'y a pas de... Plus en moi. Pourtant j'aimais la vie et elle me souriait.